La nouveauté à la maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. La Nouveau Sauvage, de Damien Cézifron, en espagnol avec sous-titres français. You look at me, I look at you, from your green eyes to your dirty shoes. I wanna know you, what's in your head? You just dancing over there like without a care. You looking good, you know you do. Your whole crew got that old attitude. But it's okay, baby, you deserve it. You're some Molly Ringwald, you can work it. Hey! Le sel de la terre, de Juliano Ribeiro Salgado et Wim Wenders, en français. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi, quelques fractions de seconde, l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions des pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. Comment aurais-je pu me douter que j'allais découvrir bien plus qu'un photographe? Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire de guerre. C'est une histoire sans fin. Histoire folle. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir, chacun, en fonction de son histoire. La French, de Cédric Jiménez, en français. Tout le monde le sait, hein. Qui dirige l'organisation. On va envoyer un message à Zampa, lui dire que la fête est terminée. Ok, lancez l'intervention. T'es pas en train de te mettre en danger? Tu parles de défi? Si t'arrives quelque chose un jour, hein, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Faut laisser tomber, monsieur le juge. Ça remonte beaucoup trop haut. T'as du con. Il vaut mieux qu'on se croise pas tous les deux. Pas mieux pour qui? Pour moi ou pour vous? Journal d'une femme de chambre, de Benoît Jacquot, en français. J'ai une bonne, très bonne place pour vous. Si vous voulez parisienne. Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Pourrait vous arriver des choses heureuses. Avec de la conduite. Couchez ! Avec de l'inconduite, vous voulez dire. Ça dépend des façons de voir. Madame. Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. C'est ça, Célestine. Encore un mot de plus, et cette fois, je dis tout à madame. Célestine. D'abord, ma petite au prieuré, on ne garde pas une seule femme de chambre. Quand c'est pour madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrosse. À l'avenir, je vous prie de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agacer, celle-là? Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. Célestine! Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. On ne peut pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Eh, madame, ça le peut empêcher. Une fois se faire trancher, ça te ferait du bien. De vous, Célestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres... Madame, on a volé ! Oh mon Dieu ! Une pincée d'arsenic à la place du sel, et ça y est. Eh bien non, faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang. Éternelle Adaline de Little Anne Krieger en français. Madame, je vois ici que vous êtes née en 1908. Ça veut donc dire que vous avez 45 ans. C'est bien ça. Adaline Marie Bowman est née le 1er janvier 1908. Plusieurs années plus tard, elle fondait une famille. En 1935, par une froide nuit d'hiver, la vie d'Adaline allait changer pour toujours. Il s'est alors produit quelque chose d'incroyable, dont l'effet fut pour ainsi dire magique. À partir de cet instant, Adaline Bowman a échappé aux ravages du temps. Elle ne vieillirait plus d'un seul jour. J'aimerais vous poser quelques questions, Madame Bowman. La prochaine fois qu'on se reverra, j'aurai une nouvelle identité. Je serai toujours ta mère. Et tu seras toujours ma petite fille. Joyeux anniversaire, maman. Tu ressembles très pour très à une amie que j'avais il y a longtemps. On était très proches. Avoir quelqu'un à aimer ne te manque pas. Ce n'est pas pareil quand on ne vieillit pas ensemble. Quand ça n'arrive pas, l'amour n'est qu'une douleur immense. Je m'appelle Ellis. Ravi de vous rencontrer. Je vais attendre avec vous. C'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Attendez. Est-ce qu'on pourrait se revoir? La première fois que je t'ai vu, je savais que je devais faire ta connaissance. Je ne savais ni où ni comment, mais je savais que ça arriverait. Comment as-tu pu vivre toutes ces années sans jamais avoir une vraie vie? J'ignore comment. Dis-moi quelque chose à quoi m'accrocher que jamais je n'oublierai. Oublie tout. Je fuis depuis si longtemps. Adaline! Que je ne sais comment m'arrêter. Aurélie Laflamme, Les pieds sur terre, de Nicolas Monette, en français. D'aussi loin que je me souvienne, je rêve à la fin de mon secondaire. Enfin, être les plus vieux de l'école. Dernière année! Je sais que plusieurs pensent que le secondaire 5, c'est juste être les plus hot de l'école. Puis un bal définissant. Mais c'est loin d'être ça. Les choix que vous ferez cette année seront déterminants pour le reste de votre vie. Ça fait quand même pas que je choisisse entre vous deux. D'un coup que je fais le mauvais choix puis je le regrette pour le restant de mes jours. Est-ce qu'on parle bien de déo, là? Selon moi, t'exploites pas ton plein potentiel et c'est très dommage. Je vais couler pareil, j'ai des neurones d'écureuil. Je l'haïs, l'haïs. Là, c'est assez. Tu sors pas d'ici tant que tu m'auras pas prouvé que tu te consacres à tes études puis que tu t'es pas trouvé une job à temps partiel. Je dirais que c'est quoi ta plus grande qualité? L'humilité. Fait que je me vante pas trop de mes qualités. Hey! Check, ta mère est pas là pour la fin de semaine. On a la maison pour nous tout seuls. On pourra en profiter. Salut. Je me demandais si je pouvais t'ajouter sur Facebook. Yeah, tu connais. T'es tellement weird. Plus que là-dessus, tu trouves? Je te comprends d'être fâchée. Je voulais pas te faire de peine. Penses-tu que... genre qu'on est plus capable d'être normal? Ça sert à quoi d'être normal? À cause du bal, ça aurait fait des belles photos. On va arrêter ce niaisage du bal. Hey, tu comprends rien. Nous, on pense à notre bal en secondaire 1. Vous, vous commencez à y penser 5 minutes avant. Aussi à la maison du cinéma cette semaine. Unfriended, de Livan Gebrieidi, en anglais. Paul Blart, Philippe Dumail 2, d'Andy Fickman, en français. Le Royaume des Singes, de Mark Linfield, en français. Corbeau, de Mathieu Denis, en français. Le Profil Amina, de Sophie de Rasp, en anglais avec sous-titre français. La Dame en Or, de Simon Curtis, en français. Le Plus Beau des Chemins, de George Tillman Jr., en français et en anglais. Dangereux 7, de James Wan, en français et en anglais. En route, de Tim Johnson, en français. La Passion d'Augustine, de Léa Poul, en français. Insurgé, de Robert Schwantke, en français.